Ghislaine de Hector Malo. Première partie, chapitre 1. Une file de voitures rangée devant le double portique de l'ancien hôtel de Brissac, devenu aujourd'hui la mairie du Palais Bourbon, provoquait la curiosité des passants qui savaient lire les armoiries peintes sur leurs panneaux ou simplement les couronnes estampées sur le cuivre et l'argent des harnais. Couronnes diadémées et sommées du globe crucifère des princes du Saint-Empire, couronnes rehaussées de fleurons des ducs, couronnes des marquis et couronnes des comtes. Un grand mariage, sans doute. Mais à regarder de près, rien n'annonçait ce grand mariage. Ni fleurs dans la cour, ni plantes dans le vestibule, ni tapis dans les escaliers. Mais, comme en temps ordinaire, le va-et-vient continuel des gens qui montaient au bureau de l'état civil ou à la justice de paix, dont c'était le jour de conciliation sur billets d'avertissement et de conseil de famille. Au haut de l'escalier dans le grand vestibule du premier étage et dans les étroits corridors du greffe, ceux qui étaient appelés pour les conciliations et pour les conseils de famille attendaient pêle-mêle. De temps en temps, un secrétaire appelait des noms et des gens entraient tandis que d'autres sortaient dans l'escalier à double révolution. C'était un murmure de voix qui continuait les discussions que la conciliation du juge de paix n'avait pas apaisées. Le secrétaire cria. « Les membres du conseil de famille de la princesse de Chambray sont-ils tous arrivés ?» Alors il se fit un mouvement dans un groupe composé de 6 hommes, d'une dame et d'une jeune fille qui attendaient dans un coin et qu'à leur tenue, autant qu'à leur air de n'être pas là, il était impossible de confondre avec les gens de toute classe qui encombraient la salle. « Oui, » répondit une voix, « veuillez entrer. » « Mon oncle, » dit la jeune fille en s'adressant à celui qui venait de répondre, « Lady Cabadoce demande si elle doit nous accompagner. »« Ma foi, je n'en sais rien. »« Puisque c'est le conseil de la famille, » dit Lady Cabadoce d'un air de regret et avec une intonation bizarre formée de l'accent anglais mêlé à l'accent marseillais, « je suppose qu'il est mieux que je reste ici. »« Probablement. Veuillez donc nous attendre. Prends mon bras, mignonne. » Tandis que les membres du conseil de famille suivaient le secrétaire, Lady Cabadoce, restée seule debout au milieu de la salle, regardait autour d'elle. « Si madame veut en user, » dit un tonnelier qui causait avec un croque-mort, assis à côté de lui sur un banc, « on peut lui faire une petite place. »« Merci. Où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. C'est de bon cœur. » Elle s'éloigna, outragée dans sa dignité de lady, que cet individu en tablier se permit cette familiarité, suffoqué dans sa pudibonderie anglaise qui lui proposa une pareille promiscuité. Et elle se mit à marcher d'un grand pas mécanique, les mains appliquées sur ses hanches plates, les yeux à 15 pas devant elle. Pendant ce temps, le conseil de famille était entré dans le cabinet du juge de paix. « La ligne paternelle à droite de la cheminée, » dit le secrétaire en indiquant des fauteuils. « La ligne maternelle à gauche. » Prenant une feuille de papier, il appela à demi-voix. « Ligne paternelle, monsieur le comte de Chambray, oncle et tuteur, monsieur le duc de Charmant, cousin, monsieur le comte d'Ernaud, cousin, et mademoiselle ?» demanda-t-il en s'arrêtant. « Mademoiselle Ghislaine de Chambray, pour l'émancipation de laquelle nous sommes ici, » dit monsieur de Chambray. « Très bien. » Puis se tournant vers la gauche, il continua. « Ligne maternelle, monsieur le prince de Coy, monsieur le comte de La Roche-Odon, « Monsieur le marquis de Lucilière, ami. » Il vérifia sa liste. « C'est bien cela. Monsieur le juge de paix est à vous tout de suite. » Assis à son bureau, le juge de paix était pour le moment aux prises avec un boucher, dont le tablier blanc retroussé dans la ceinture laissait voir un fusil à aiguiser les couteaux, et avec une petite femme pâle, épuisée manifestement autant par le travail que par la misère. « Contestez-vous le chiffre de la dette ?» demandait le juge de paix à la femme. « Non, monsieur. Alors nous disons d'être connus, » continua le juge de paix en écrivant quelques mots sur un bulletin imprimé. « Quand paierez-vous ces 27,60 francs qui, avec les 90 centimes pour avertissement, font 28,50 francs ?»« Aussitôt que je pourrai, n'ayez crainte, nous sommes assez malheureux de devoir. Il faut une date. Quel délai demandez-vous » La fin du mois, dit le boucher. Il y a assez longtemps que j'attends. Nous voilà dans la morte saison. Mon homme est à l'hôpital. Il n'y a que mon garçon et moi pour faire marcher notre boutique de reliure. S'il y avait de l'ouvrage. Croyez-vous pouvoir payer 5 francs par mois régulièrement ? Demanda le juge de paix. Je tâcherai. Il faut promettre et tenir votre promesse, ou bien vous serez poursuivi. Je tâcherai. La bonne volonté ne manquera pas. C'est entendu. 5 francs par mois. Allez. Le boucher paraissait furieux, et la femme était épouvantée d'avoir à trouver ses 5 francs tous les mois. Mademoiselle de Chambray, qui avait suivi cette scène sans en perdre un mot, se leva et se dirigea vers la femme qui sortait. « Envoyez, demain, à l'hôtel de Chambray, rue Monsieur, lui dit-elle vivement, on vous donnera une collection de musique à relier. » Et sans attendre une réponse, elle revint prendre sa place. Libre enfin, le juge de paix s'excusait, en s'adressant à tous les membres du conseil de famille, de les avoir fait attendre. « C'est sur la demande de Monsieur le comte de Chambray, dit-il, que vous êtes convoqué pour examiner la question de savoir s'il y a lieu d'émanciper sa pupille, Mademoiselle Ghislaine de Chambray, qui vient d'accomplir ses 18 ans d'hier, si je ne me trompe. » « Parfaitement, répondit le comte de Chambray. Un sourire passa sur le visage de tous les membres du conseil, mais le juge de paix garda sa gravité. « C'est pour que vous voyez vous-même que ma nièce est en état d'être émancipée, continua Monsieur de Chambray, que je l'ai amenée. « Je ne vois pas que Mademoiselle de Chambray ait l'air d'une émancipée, » dit le juge de paix en saluant. C'était en effet une mignonne jeune fille, plutôt petite que grande, au type un peu singulier, en quelque sorte indécis, où se lisait un mélange de races et dont le charme ne pouvait échapper même au premier coup d'œil. Ses cheveux que la toque laissait passer en mèche sur le front, derrière un chignon tordu à l'anglaise sur la nuque, étaient d'un noir violent, mais leur ondulation et leur frisure étaient si souples et si légères que cette chevelure profonde, coiffée à la diable, avait des douceurs veloutées qu'aucune teinte blonde n'aurait pu donner. Bizarre aussi était le visage fin, enfantin et fier à la fois, à l'ovale allongé, au nez pur, au teint ambré, éclairé par d'étranges yeux gris chatoyants, qui éveillaient la curiosité, tant ils étaient peu ce qu'on pouvait demander à cette figure, moitié sévère, moitié mélancolique, qui ne riait que par le regard et d'un rire pétillant. Il n'y avait pas besoin de la voir longtemps pour sentir qu'elle était pétrie d'une pâte spéciale et pour se laisser pénétrer par la noblesse qui se dégageait d'elle. Sa bonne grâce, sa simplicité de tenue ne pouvaient avoir d'égal, et dans son costume en mousseline de laine gros bleu à pois blanc, avec son petit paletot de drap mastic démodé, dont la modestie voulue montrait un mépris absolu pour la toilette, elle avait un air royal que l'être le plus grossier aurait reconnu et qui forçait le respect. Et c'était précisément à cet air que le juge de paix avait voulu rendre hommage en vieux galantin qu'il était. « Au reste, c'est au conseil de se prononcer, » dit-il. « Nous sommes d'accord sur l'opportunité de cette émancipation, » répondit Monsieur de Chambray. Les 5 membres du conseil firent un même signe affirmatif. « Alors je n'ai qu'à déclarer l'émancipation, » continua le juge de paix. « Et vous, messieurs, il ne vous reste plus qu'à nommer le curateur. Qui choisissez-vous pour curateur ?» 5 bouches prononcèrent en même temps le même nom. « Chambray. »« Comment ? Moi ? » s'écria le comte. « Et pourquoi moi, je vous prie ? Pourquoi pas l'un de vous ? Parce que vous êtes l'oncle de Ghislaine. Parce que vous êtes son plus proche parent. Parce que vous avez été son tuteur. Parce que ses intérêts ne peuvent pas avoir un meilleur défenseur que vous. » Ces 4 répliques étaient parties en même temps. Il allait leur répondre quand le vieux comte de La Rochaudon, qui n'avait rien dit, plaça aussi son mot. « Parce que depuis 8 ans, vous avez été le meilleur des tuteurs, parce que vous l'aimez comme une fille, parce qu'elle vous aime comme un père. » Monsieur de Chambray resta bouche ouverte et son visage exprima l'émotion en même temps que la contrariété. « Certainement, dit-il, j'aime Ghislaine, elle le sait, comme je sais qu'elle m'aime. « Mais enfin, vous me permettrez bien de m'aimer aussi un peu, moi, et de penser à moi. C'est pour suivre ma fantaisie que je ne me suis pas mariée. Quand mon aînée a pris femme, je suis restée auprès de notre mère aveugle, et pendant 13 ans, elle ne s'est pas un seul jour appuyée sur un autre bras que le mien pour monter à sa chambre. L'année même où nous l'avons perdue, cette enfant, il se tourna vers Ghislaine, est devenue orpheline et j'ai dû veiller sur elle. Aujourd'hui, la voilà grande. et par le sérieux de l'esprit, la sagesse de la raison, la droiture du cœur, en état de conduire sa vie. Elle a 18 ans, moi j'en ai 50. » Il s'arrêta et se reprit. « Enfin, j'en ai plus de 50. Il me reste peut-être 5 ou 6 années pour vivre de la vie que j'ai toujours désirée. Alors je vous demande de m'émanciper à mon tour. Il n'en est que temps. » « Je ferai remarquer à ces messieurs, dit le juge de paix, que M. le comte de Chambray, ayant été tuteur et ayant, en cette qualité, un compte de tutelle à rendre, ne peut assister la mineure émancipée à la reddition de ce compte en qualité de curateur, puisqu'il se contrôlerait ainsi lui-même. « Vous voyez, messieurs, s'écria M. de Chambray triomphant. « Mais, continua le juge de paix, si vous nommez un tuteur ad hoc à l'effet de recevoir le compte de tutelle, vous pouvez, si telle est votre intention, confier la curatelle à M. le comte de Chambray. » « Vous voyez ? » s'écrièrent en même temps les 5 membres du conseil de famille. « Je vois surtout que c'est odieux, que c'est une tyrannie sans nom. La mission du curateur ne consiste pas à agir pour le mineur émancipé, dit le juge de paix d'un ton conciliant, mais seulement à l'assister pour la bonne administration de sa fortune et dans quelques autres actes. « Mais comment voulez-vous que j'assiste utilement ma nièce dans l'administration de sa fortune quand j'ai si mal administré la mienne ? En 8 ans, vous avez accru d'un quart celle de votre pupille. » Toutes les protestations de M. de Chambray furent inutiles. Malgré lui et malgré tout, il fut nommé curateur. Quant aux sorties du cabinet du juge de paix, il resta en arrière avec le duc de Charmont. « Que faites-vous ce soir ? » demanda-t-il. « Nous dînons avec des gueuses au café anglais. » Et après nous allons à la première des bouffes. Si Ghislaine ne me retient pas à dîner, j'irai vous rejoindre. En tout cas, gardez-moi une place dans votre loge. Chapitre 2. Un haut mur, une grande porte, des branches au-dessus, c'est tout ce qu'on voit de l'hôtel de Chambray dans la rue Monsieur, où il a son entrée. Mais quand cette porte s'ouvre pour le passage d'une voiture, on l'aperçoit dans sa belle ordonnance au milieu de pelouses vallonnées, qui, entre des murailles garnies de lierre et masquées par des arbres à haute tige, se prolonge jusqu'au boulevard des Invalides. Enveloppé dans les jardins des couvents voisins, il semble que ce soit plutôt une habitation de campagne que de ville. Et ces 2 étages en pierre jaune, sans aucun ornement, élevés au-dessus d'un perron bas, ces persiennes blanches, son toit d'ardoise à lucarne toute simple, accentuent encore ce caractère. Évidemment, quand les Chambray ont, au XVIIIe siècle, abandonné leur vieil hôtel du quartier du Temple pour faire bâtir celui-là, ils avaient en vue le confortable et l'agrément plus que la richesse de l'architecture ou de la décoration. Et leur but a été atteint. Il y a de plus belles, de plus somptueuses demeures dans ce quartier, mais il n'y en a pas de mieux ensoleillées l'hiver et de plus discrètement ombragées l'été, de plus agréables à habiter, avec de la lumière, de l'air, de l'espace, de plus tranquilles où l'on soit mieux chez soi. Quand Ghislaine et son oncle revinrent de la justice de paix, ils n'entrèrent pas dans l'hôtel. « Si nous faisions une promenade dans le jardin, » proposa M. de Chambray. Ghislaine savait ce que cela voulait dire. C'était le moyen que son oncle employait lorsqu'il voulait l'entretenir en particulier, en se tenant à distance de Lady Cappadoce et de ses oreilles toujours aux aguets. Le temps était doux, le ciel radieux. Le jardin se montrait tout lumineux et tout parfumé des fleurs de mai, avec les reflets rouges des rhododendrons épanouis qui éclairaient les murs. Les oiseaux chantaient dans les massifs. Ce désir de promenade devait donc paraître tout naturel, sans qu'on eût à lui chercher des explications de mystère ou de secret. Mais précisément rien ne paraissait naturel à la curiosité de Lady Cappadoce, et tout lui était mystère qu'elle voulait pénétrer. Pourquoi se serait-on caché d'elle? Ne devait-elle pas connaître tout ce qui touchait son élève? Si à chaque instant elle affirmait bien haut qu'elle n'était pas de la famille, en réalité elle estimait que Ghislaine était sa fille. Ce n'est pas en gouvernante qu'elle l'avait élevée, c'était en mère. Une Cappadoce n'est pas gouvernante. Si le malheur des temps l'avait obligée à la mort de son mari, officier dans l'armée anglaise, a accepté de diriger l'éducation de cet enfant, elle n'avait pas pour cela cessé d'être une lady. Et c'était en lady qu'elle voulait être traitée. Le malheur n'avait point abattu sa fierté, au contraire. Les Cappadoces valaient bien les Chambray, sans doute, et même en remontant dans les âges, il était facile de prouver qu'il valait mieux. Quand elle vit le comte et Ghislaine se diriger vers le jardin, elle fit quelques pas en avant pour se rattacher à eux. « Que faisons-nous ce soir ? » demanda-t-elle. « Restons-nous à Paris ou partons-nous pour Chambray ?»« Mon oncle, c'est à vous que la question s'adresse, » dit Ghislaine. « Si vous me faites le plaisir de rester à dîner, je couche ici. Sinon, je retourne à Chambray. » Le comte parut embarrassé. Il y avait tant de tendresse dans l'accent de ces quelques mots qu'il comprit qu'il allait la peiner s'il n'acceptait pas cette invitation. Mais d'autre part, il sentait que ce serait un si cruel désappointement pour lui de ne pas rejoindre le duc de Charmont qu'il ne savait quel parti prendre. « C'est que Charmont m'a demandé de dîner avec lui, » dit-il enfin. Le regard que sa nièce attacha sur lui l'arrêta. « Je ne lui ai pas promis, » reprit-il vivement, « parce que je pensais bien que tu voudrais me garder, et cependant il a beaucoup insisté. Il s'agit pour lui d'une décision grave à prendre. Il faut y aller, mon oncle. » « Si tu le veux, nous partirons pour Chambray à 5 heures, » dit Ghislaine en se tournant vers Lady Cappadoce. « Comme tu dois revenir à Paris très prochainement pour la reddition du compte de tutelle, nous dînerons ensemble ce jour-là, je te le promets. » Satisfait de cet arrangement qui, selon lui, conciliait tout, M. de Chambray passa son bras sous celui de sa nièce et l'emmena dans le jardin. Penché vers elle, en lui effleurant les cheveux de sa barbe à la Henri IV, qui commençait à grisonner, il avait l'air d'un grand frère qui s'entretient avec sa petite sœur, bien plus que d'un tuteur ou d'un oncle. Et en réalité, c'était un frère qu'il avait toujours été pour elle. En frère qu'il l'aimait, en frère qu'il l'avait toujours traité, sans pouvoir jamais s'élever à la dignité d'oncle ou de tuteur. Tuteur, pouvait-on l'être quand pour la jeunesse du corps, de l'esprit et du cœur, on n'avait pas 30 ans. Il eût voulu jouer dans la ville et Bartolo, que pour son élégance et sa désinvolture, pour sa souplesse et son entrain, on eût bien plutôt vu en lui Alma Viva, un peu marqué peut-être, mais à coup sûr un vainqueur. « Et maintenant, mignonne, » dit-il, lorsqu'ils furent à l'abri des oreilles curieuses, « que comptes-tu faire ?»« Comment cela, mon oncle ? Je veux dire, maintenant que tu es émancipé, comment veux-tu arranger ta vie ? Est-ce que cette émancipation m'a métamorphosée d'un coup de baguette magique ? Certainement. Je suis autre aujourd'hui que je n'étais hier, cet après-midi, que je n'étais ce matin ? Sans doute. Je ne le sens pas du tout, même quand vous me le dites. Tu as la volonté, la liberté, et je te demande comment tu veux en user. Mais simplement en continuant la semaine prochaine ce que j'ai fait la semaine dernière. « Demain, M. Lavalette viendra à Chambray et me fera une conférence de littérature sur le Chatterton d'Alfred de Vigny. Après-demain, je viendrai à Paris et je travaillerai de 1h à 3 dans l'atelier de M. Casparis à mon groupe de chiens qui avance. Vendredi, c'est le jour de M. Nicétas. Nous ferons de la musique d'accompagnement. C'est le grand jour, celui-là. Tu aimes mieux Mozart qu'Alfred de Vigny et M. Nicétas que M. Lavalette. » « Je vous assure que M. Lavalette est très intéressant. Il sait tout et il vous fait tout comprendre. Cependant, tu préfères le jour de M. Nicétas. Je reconnais que la musique est ma grande joie. Pendant que j'ai encore une certaine autorité sur toi, mais vous aurez toujours toute autorité sur moi, mon oncle. Enfin, laisse-moi te dire, ma chère enfant, que tu te donnes trop entièrement à la musique. Plusieurs fois, je t'ai adressé des observations à ce sujet. » Aujourd'hui, j'y reviens et j'insiste, car tu m'inquiètes. Vous n'aimez pas la musique ? Tu te trompes, j'aime la musique comme distraction. Je ne l'aime pas comme occupation, et ce que je te reproche, c'est de ne pas t'en tenir à la simple distraction. Il en est d'elle comme des parfums. Respirer un parfum par hasard est agréable. Vivre dans une atmosphère chargée de parfums est aussi désagréable que dangereux. Tandis que la pratique des autres arts fortifie, celle de la musique poussée à l'excès affaiblit. Quand tu as modelé pendant 2 ou 3 heures dans l'atelier de Casparis, tu sors de ce travail allègre et vaillante. Quand, pendant 2 heures, tu as fait de la musique avec M. Nicétas, tu sors de cette séance les nerfs tendus, l'esprit alangui, le cœur troublé. On dit et l'on répète que la musique est le plus immatériel des arts. C'est le contraire qui est vrai. il est le plus matériel de tous. Il semble qu'elle agisse à l'égard de certaines parties de notre organisme en frappant dessus comme les marteaux dans un piano frappent sur les cordes. Nos cordes, à nous, ce sont les nerfs. Sous ces vibrations répétées, nos nerfs commencent par se tendre, et quand ils ne cassent pas, ils finissent par s'user. De là ces virtuoses dévastées, détraquées, déséquilibrées que je pourrais te nommer, si cela n'était inutile avec les exemples que tu as sous les yeux. Trouves-tu que Nicétas, avec ses mouvements de hanneton épileptique, ses yeux convulsionnés, ses grimaces, soit un être équilibré? Cependant il est grand, fort, bien bâti, et à 23 ans. Il pourrait passer pour un beau garçon, sans ses tics maladifs. Et trouves-tu que son maître sous-père, qui n'est qu'un paquet de nerfs, ne soit pas plus inquiétant encore dans sa maigreur décharnée? Est-ce que vraiment je suis menacée de tout cela? Demanda-t-elle avec un demi-sourire. Je parle sérieusement, ma mignonne, et c'est sérieusement que je te demande de comparer Soupère à Kasparis, puisque ce sont les seuls artistes que tu connaisses. Vois le statuaire, superbe, dans sa belle santé physique et morale, et d'autre part, vois le musicien maladif et désordonné. Est-il donc certain que M. Kasparis soit superbe par cela seul qu'il est statuaire, et que M. Soupère soit maladif par cela seul qu'il est musicien? Leur nature n'est-elle pour rien dans leur état? En tout cas, comme vous n'avez pas à craindre que j'approche jamais du talent de M. Soupère, ni simplement de celui de M. Nicétas, j'échapperai sans doute à la maigreur de l'un, comme au tic épileptique de l'autre. Je ne suis pas d'ailleurs la musicienne que vous imaginez. Il s'en faut de beaucoup. Si j'ai fait trop de musique, c'est que j'ai été dans des conditions particulières qui ont peut-être eu plus d'influence sur moi que mes dispositions propres. J'aurais eu des frères, des sœurs, des camarades pour jouer, que j'aurais probablement oublié mon piano bien souvent. Vous savez que mes seules lectures ont été celles que Lady Cappadoce permettait, et ce que Lady Cappadoce permet n'est pas très étendu. Je n'ai jamais été au théâtre. Dans la musique seule, j'ai eu et j'ai liberté complète. Voilà pourquoi je l'ai aimée, non seulement pour les distractions présentes, pour les sensations qu'elle me donnait, mais encore pour les ailes qu'elle mettait à mes rêveries, quelquefois lourdes et tristes. Il lui prit la main et affectueusement, tendrement, il la lui serra. « Pauvre enfant, dit-il, je ne me plains pas à mon oncle, et si j'avais des plaintes à former, je ne les adresserais certainement pas à vous, qui avez toujours été si bon pour moi. Ce que tu dis des tristesses de tes années d'enfance, je me le suis dit moi-même bien souvent, mais sans trouver le moyen de les adoucir. C'est le malheur de ta destinée que tu sois restée orpheline si jeune, sans frère ni sœur, n'ayant pour proche parent qu'un oncle qui ne pouvait être ni un père ni une mère pour toi. Heureusement, ces tristesses vont s'évanouir, puisque te voilà au moment de faire ta vie et de trouver dans celle que tu choisiras les affections et les tendresses qui ont manqué à ton enfance. « Vous voulez me marier ? » s'écria-t-elle. « Non, je veux que tu te maries toi-même, et pour cela je demande qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu mettras, comme tu dis, des ailes à ta rêverie, que ce ne soit pas pour te perdre dans les fantaisies que la musique pouvait suggérer à ton imagination enfantine, mais pour suivre les pensées sérieuses que le mariage fait naître dans l'esprit et le cœur d'une fille de 18 ans. Vous avez quelqu'un en vue? Oui. Quelqu'un qui m'a demandé? Non, mais quelqu'un qui serait heureux de devenir ton mari. Je le sais. Qui, mon oncle? Qui? Je ne veux pas prononcer de nom. Si je t'en dis un, tu partiras là-dessus. Tu n'auras plus ta liberté. Cherche dans notre monde qui tu accepterais pour mari, et aussi qui peut prétendre à ta main. Quelqu'un que tu connais, au moins pour l'avoir vu. Quand tu auras fait cet examen, nous en reparlerons. Quel jour? Demain? Non, non, pas demain. Alors après-demain? Eh bien, oui, après-demain. Tu viendras pour travailler avec Kasparis. Je dînerai avec toi et tu te confesseras. Je suis heureux de voir à ton impatience que tu n'es pas rétive à l'idée de mariage. Chapitre 3. Malgré le trouble que lui avaient causé les paroles de son oncle, Ghislaine n'oublia pas la femme de la justice de paix. Aussitôt que M. de Chambray l'eut quittée, elle s'occupa à réunir tout ce qu'elle put trouver de musique non reliée. Surprise de cet empressement, Lady Cappadoce voulut savoir ce qu'elle faisait là, et Ghislaine le lui expliqua. « Comment ? » s'écria la gouvernante. « Vous allez donner votre musique à relier à des gens qui n'ont pas de travail ? Mais s'ils n'ont pas de travail, c'est qu'ils sont de mauvais ouvriers, et votre musique sera perdue. Croyez-moi, laissez une aumône si vous tenez à lui faire du bien. » Elle ne demande pas l'aumône. Si elle est réduite à la misère que vous dites, comment voulez-vous qu'elle achète ce qui doit entrer dans ses reliures, la peau, le carton, le papier ? Vous avez raison, je vais lui laisser une avance pour qu'elle puisse faire ses achats. Et dans la note qu'elle écrivait pour indiquer comment elle voulait que ses reliures fussent faites, elle plia un billet de 100 francs. À 5 heures, un coupé attelé en poste vint se ranger devant le perron, car pour aller à Chambray, qui se trouve entre Orsay et Montlhéry, ou pour venir de Chambray à Paris, ce n'était point l'habitude qu'on prit le chemin de fer. 4 postiers étaient attachés à ce service, et en leur laissant un jour de repos sur 2, ils battaient les locomotives de Sceaux, ce qui d'ailleurs n'est pas bien difficile. Quand Lady Cappadoce s'était trouvée exclue du tête-à-tête que M. de Chambray avait voulu se ménager avec Ghislaine, elle avait compté sur ce voyage pour apprendre ce qui s'était dit dans cette longue promenade autour du jardin. Et ce n'était pas une curiosité vaine qui la poussait, le seul désir de savoir pour savoir. C'était son intérêt. Maintenant que Ghislaine était émancipée, qu'allait-il se passer ? Était-ce d'un projet de mariage que M. de Chambray l'avait entretenu ? La question était pour elle capitale. Bien qu'elle montrât une navrante mortification d'en être réduite, elle, une lady, à vivre dans une position subalterne, en réalité elle tenait à cette position qui n'était pas sans avantage. Et bien qu'elle affectât aussi de n'avoir que du dédain pour la France, le pays, ses mœurs et ses usages, en réalité elle tenait beaucoup à ne pas quitter cette France détestée pour retourner dans son Angleterre adorée. Superbe l'Angleterre. Admirable, incomparable pour tout, mais de loin. En somme, si malheureuse qu'elle fût, elle ne craignait rien tant que d'être obligée, par le mariage de Ghislaine, de renoncer à son malheur et à son humiliation. À peine le coupé quittant la rue Oudinot roulait-il sur le boulevard des Invalides qu'elle commença ses questions. « Cette émancipation va-t-elle changer quelque chose dans nos habitudes ? » dit-elle de son ton le plus affable. « C'est justement ce que mon oncle vient de me demander. »« Et vous lui avez répondu ?»« Qu'étant aujourd'hui ce que j'étais hier, je ferai la semaine prochaine ce que j'avais fait la semaine dernière. » Il est certain que l'émancipation ne confère pas, tout d'un coup, des grâces spéciales. Je n'en sens pas qu'elle m'en ait conféré. Et si vous le voulez bien, je vais préparer ma leçon pour M. Lavalette, en lisant Chatterton. » Ce que Lady Cappadoce voulait, c'était continuer la conversation sur ce sujet. Mais déjà Ghislaine avait pris le théâtre d'Alfred de Vigny dans une poche de la voiture et sa lecture était commencée. Elle dut donc se contenter du peu qu'elle avait obtenu, ce qui d'ailleurs était rassurant. Une enfant qui, pendant un certain temps encore, ne serait qu'une enfant. Mais quand elle remarqua les distractions avec lesquelles Ghislaine, ordinairement attentive et appliquée, faisait sa lecture, l'inquiétude prit la place de la confiance. Certainement, il s'était dit, entre l'oncle et la nièce, autre chose que ce que Ghislaine lui avait répété. Et cette lecture n'était qu'un prétexte pour penser librement à cette autre chose. À un certain moment, mordue plus fort par la curiosité, elle la questionna de nouveau, mais cette fois indirectement. « Il me semble que Chatterton ne vous intéresse guère. » « Je réfléchis. » « C'est précisément ma remarque. » « Vous m'avez toujours dit qu'il ne fallait pas dévorer ses lectures. » « Encore faut-il les suivre. » « C'est ce que je vais faire. » Elle se plongea dans son livre sans relever les yeux, sinon pour lire, au moins pour échapper à ses interrogations. Elle avait bien l'esprit à la lecture, vraiment, aux amertumes de Chatterton ou aux gronderies du Quaker. Quel sens pouvaient avoir ces paroles vaines quand dans ses oreilles et dans son cœur retentissaient encore celles de son oncle ? Elle n'avait pas attendu le jour de son émancipation pour se dire qu'elle ne trouverait que dans le mariage les affections et les tendresses qui avaient si tristement manqué à sa première jeunesse. Mais les idées qui depuis longtemps flottaient dans son esprit venaient de prendre corps par la forme précise que son oncle leur avait donnée, et elle la jetait dans un trouble qui l'emportait. Quel était ce mari ? Réaliserait-il les rêveries et les espérances dont son cœur se nourrissait depuis qu'elle avait commencé à juger la vie ? Jusqu'à sa 10e année, il n'y avait pas eu d'enfance plus heureuse que la sienne. Et les souvenirs qui lui restaient de ce temps étaient tous pleins de joie. Un père, une mère qui l'adorait et dont l'unique souci semblait être son bonheur. Autour d'elle, une existence de fête qui lui avait laissé comme des visions de féerie. Au château, dans les allées du parc, les brillantes cavalcades auxquelles elle était mêlée, galopant sur son poney à côté de sa mère. À l'hôtel de la rue Monsieur, les splendeurs des bals qu'elle entrevoyait avant l'arrivée des invités, et la musique qui la nuit la berçait dans son lit. Et, toujours à Paris, à la campagne, un entourage d'amis, une sorte de cour. Et tout à coup la nuit s'était faite. Plus de père, plus de mère, plus de fête, plus d'amis, l'abandon, la solitude, le silence. Le père avait été tué dans un accident de chasse. 8 jours après, la mère était morte d'un accès de fièvre chaude. Du côté de son père, il lui restait un oncle, le comte de Chambray, dont on avait fait son tuteur, et de nombreux cousins qui la rattachaient aux grandes familles de l'aristocratie française. Du côté de sa mère, espagnole de naissance, elle avait des oncles et tantes, mais fixés tous en Espagne, ils ne pouvaient guère s'acquitter de leur devoir de parenté envers cette petite Française qu'ils connaissaient à peine. Plus de tendresse, plus de caresses, plus de chaude affection dans la maison déserte. Seulement de temps en temps un mot amical, un baiser de son oncle quand il venait la voir au château ou à l'hôtel, et plus souvent à l'hôtel qui était à Paris qu'au château où l'on n'arrivait qu'après un petit voyage. Et toujours la parole grave, le geste solennel, la leçon à propos de tout, de Lady Cappadoce, bonne femme dans le cœur, mais dans le caractère, les manières, l'attitude, toujours gouvernante, et gouvernante anglaise, froide, impeccable, infatuée de sa naissance, exaspérée de sa pauvreté, et convaincue qu'elle grandissait sa situation par sa dignité. À 10 ans, à 11 ans, jusqu'à 14 ans, Ghislaine avait accepté cette vie monotone, soumise et résignée, sans échapper au dehors, n'imaginant pas dans son impuissance enfantine qu'elle pût être autre. Si enfant qu'elle fût, elle comprenait que c'était par scrupule et pour qu'on ne l'accusât point de s'être débarrassée d'un devoir difficile que son oncle, au lieu de la mettre au couvent, avait voulu cette éducation. Et quand elle le voyait se faire jeune et affectueux pour lui en adoucir les sévérités, quand elle voyait Lady Cappadoce toujours attentive et toujours appliquée à sa tâche, ne pas dire un mot, ne pas faire une observation qui ne fût dictée par la justice même, elle sentait qu'elle eût été ingrate de se plaindre. On était pour elle ce que les circonstances permettaient qu'on fût. Un oncle n'est pas un père, une gouvernante n'est pas une mère. C'était là le malheur, la tristesse de sa situation qu'elle ne pouvait pas leur reprocher. Mais la floraison de la 15e année avait suscité en elle des échappées au dehors qui étaient nées de ses souvenirs mêmes. C'était en se rappelant les regards émus et les paroles de tendresse que sa mère et son père échangeaient en l'embrassant qu'elle s'était dit que la morne solitude et les tristesses de son enfance ne se dissiperaient que le jour où elle se marierait. Pourquoi alors ne serait-elle pas heureuse comme sa mère l'avait été ? Pourquoi le babil d'un enfant n'amènerait-il pas sur ses lèvres ces sourires qu'elle avait vus le sien provoquer sur celles de sa mère? Et de même, c'était en se rappelant les illuminations et les fleurs des grands appartements de l'hôtel, aujourd'hui toujours fermés, c'était en retrouvant dans sa mémoire l'aspect superbe de la cour d'honneur du château, les jours des grandes chasses, ou celui de la salle de spectacle les soirs où l'on jouait la comédie, qu'elle avait compris que tout cela ressusciterait quand elle se marierait. Et voilà que le mari qu'elle avait rêvé, sans lui donner un corps, l'être idéal qui flottait indécis dans les féeries de son imagination, devenait un personnage réel. Il existait, il la connaissait, tout au moins il l'avait vue. Mais où ? Elle n'était point de ces petites bourgeoises mondaines qui, à 18 ans, ont été partout. En vraie fille du monde où les traditions sont une religion, elle n'avait été nulle part. Les offices à Saint-François-Xavier, quand parfois elle passait un dimanche à Paris, quelques rares visites chez des parentes à qui elle avait des devoirs à rendre en janvier ou à de certains anniversaires en mai, des séances d'études au salon depuis qu'elle travaillait la sculpture, et c'était tout. Il lui était donc facile de remonter dans ses souvenirs en se demandant où elle avait vu l'homme de son monde qu'elle accepterait pour mari et qui pouvait prétendre à sa main. Évidemment, elle n'avait pas à chercher au salon. Jamais personne n'y avait fait attention à elle. Tout d'abord, elle en avait été mortifiée, s'imaginant qu'elle valait bien un regard.

elle restait plongée dans sa béatitude, dodelinant de la tête, battant la mesure avec ses deux pieds et laissant de temps en temps échapper de petits cris que l'excès du plaisir lui arrachait. Avec M. Lavalette, elle veillait de près à ce que l'heure de la leçon ne fût pas dépassée, et s'il se laissait entraîner à des développements qui l'intéressaient lui-même, ou s'il s'oubliait, elle avait une façon de tirer sa montre qui lui coupait net la parole. Mais avec Nicétas, elle n'avait jamais eu de montre, et tant qu'il voulait bien jouer, elle écoutait. Un morceau de musique ne s'interrompt pas comme une scène de comédie ou comme une pièce de verre. On va jusqu'au bout. Encore avait-elle d'ingénieuses ressources pour allonger la séance et même quelquefois pour la doubler. Tout à coup, retrouvant sa montre oubliée, elle s'apercevait qu'il était trop tard pour que Nicétas pût prendre le train. Il partirait par le suivant. Ou bien il pleuvait trop, ou bien il faisait trop chaud, ou bien trop froid. Et passant par-dessus les règles de l'étiquette et des convenances, qui pourtant lui étaient si chères, elle le gardait à dîner au château. Que faire en attendant l'heure du dîner ? De la musique. Et comme il eût été indiscret de continuer le travail de la leçon, ce qui eût ressemblé à une sorte d'exploitation, elle demandait les morceaux qui lui plaisaient. Aucun autre professeur n'eût été honoré par elle d'une pareille faveur, et le soleil eût pu dévorer la plaine, le verglas eût pu rendre la route impraticable sans qu'elle pensât à les retenir. Mais Nicétas n'était pas un professeur comme les autres. D'abord, il était musicien, et ce titre seul suffisait pour justifier toutes les faiblesses qui pour lui n'en étaient pas. Et puis il y avait dans sa vie, sa naissance, ses habitudes, et même dans son attitude, des côtés mystérieux dont on parlait tout bas, qui plaisaient à l'imagination romanesque et chevaleresque de Lady Cappadoce. Jusqu'à l'année précédente, le maître de musique de Ghislaine avait été le compositeur Soupert, qu'on avait choisi autant pour son nom que parce que c'était un voisin de campagne. Habitant Palaiso, il lui serait facile de venir à Chambray sans grand dérangement et sans perte de temps. Mais si Soupert était un musicien de talent, par contre, c'était bien pour la régularité le plus détestable professeur qu'on pût trouver. Il n'y avait pas de meilleures leçons que les siennes. Seulement il fallait qu'il les donnât et surtout qu'il fût en état de les donner, ce qui n'arrivait que rarement. Après une période d'éclat qui avait duré une vingtaine d'années, Soupert était redevenu dans sa vieillesse le bohème qu'il avait été dans sa jeunesse. Rôdeur de brasserie de 18 à 30 ans, habitué des salons où il promenait de 30 à 50 une fille de grande naissance qu'il avait épousée, à 60, il vivait dans une masure du plateau de Palaiso avec une blanchisseuse dont il avait fait sa seconde femme, sans avoir nettement conscience de la distance qui séparait celle-ci de celle-là. Quand il avait été question de le donner pour professeur à Ghislaine, c'était à l'auteur du Croisé et des Abencérages que M. de Chambray avait pensé, et non au vieux bohème de Palaiso. De l'auteur du Croisé, il se rappelait les succès au temps où il l'avait rencontré dans le monde, la réputation, le mariage extraordinaire. Du bohème, il ne savait rien, si ce n'est qu'il habitait à une assez courte distance de Chambray pour qu'on eût l'idée de s'adresser à lui plutôt qu'à un musicien qui viendrait de Paris. Mais il n'avait pas fallu longtemps pour que le bohème se montrât tel que la vie, la lutte et le pas de chance l'avaient fait. Partant de chez lui le matin pour venir à Chambray, il s'arrêtait au premier cabaret de la côte de Palaiso pour boire le vin blanc sur le zinc et prendre la force d'accomplir cette odieuse corvée qui consiste à donner une leçon de piano au lieu de rester attablé tranquillement avec les ouvriers carriers et les paysans qui composaient maintenant sa société. Au cabaret du bas de la côte, il faisait une seconde halte. Au café de la gare, il en faisait une troisième. S'il ne trouvait personne à qui causer, c'était bien, il prenait le train. Mais si un visage ami ou simplement connu lui souriait, il s'asseyait. L'hiver se succédait, et au lieu d'être à Chambray dans la matinée, comme il le devait, il n'y arrivait qu'à 2 ou 3 heures de l'après-midi. Retenu, à mon grand regret empêché, vous comprenez ? Et Lady Cappadoce, si scrupuleusement exacte cependant, comprenait parfaitement. Les artistes sont esclaves de l'inspiration, tout le monde sait cela. Nous ne pouvons pas vous en vouloir d'un retard qui peut-être nous vaudra un nouveau chef-d'œuvre. En attendant le chef-d'œuvre qui se faisait attendre, ce que ce retard valait à Ghislaine et à Lady Cappadoce, c'était une odeur de vin blanc mêlée à celle des liqueurs qui emplissait la salle de travail. et quand Soupère se mettait au piano, c'était qu'il frappa un la ou un fa au lieu d'un sol, incapable qu'il était de diriger ses doigts tremblants. Un professeur de lettres ou de sciences eût apporté ces parfums que Lady Cappadoce n'eût éprouvé aucun embarras avec lui. Elle l'eût tout de suite remercié. Mais ce procédé expéditif était-il applicable à un musicien, à un maître tel que Soupère, dont elle avait les romances dans le cœur et les airs de danse dans les jambes? Elle ne l'avait pas pensé. Il fallait aviser, s'ingénier, chercher, trouver quelque moyen qui empêchât ces accidents de se produire. Que Soupère partît de chez lui pour venir directement, sans s'arrêter en route, il n'aurait pas d'occasion de se parfumer à l'anisette ou au cassis. Pour cela, il n'y avait qu'à l'envoyer chercher en voiture. Lorsqu'elle lui avait fait, avec toute la diplomatie dont elle était capable, cette proposition, il avait commencé par refuser. La promenade du matin est hygiénique, mais elle s'était montrée si pressante qu'il avait dû accepter. Il avait été calculé qu'il arriverait au château un peu avant 9 heures. La première fois qu'on alla le chercher, il arriva à 10h30, et Lady Cappadoce eut la douleur de constater que le professeur et le cocher étaient exactement dans le même état pour s'être arrêtés à tous les bouchons de la route. Boire avec un valet. Il avait fallu prendre un parti, et Soupère avait été prévenu que, à cause de l'irrégularité dans ses heures qui dérangeait tous les autres professeurs, Mademoiselle de Chambray renonçait à ses leçons. Un autre que Soupère se fût fâché de ce remerciement, mais lui n'était pas homme à le prendre par le mauvais côté, et bien qu'il lui enlevât 200 francs par semaine, qui était à peu près sa seule ressource, il s'était tout de suite consolé en se disant que c'était la liberté qu'il recouvrait. Maître de son temps désormais, et n'ayant plus à se préoccuper de ses leçons, il aurait le loisir de faire les démarches nécessaires pour que son répertoire fût repris. C'était parce qu'on ne le voyait pas assez souvent qu'on le négligeait. Il se montrerait. Une seule chose l'avait contrarié, l'abandon d'une élève qui l'intéressait. Elle était née musicienne, cette jeune fille, et il serait vraiment dommage qu'elle tombât entre de mauvaises mains. Il ne fallait pas, il ne voulait pas qu'elle reçût maintenant les leçons de gens qu'il méprisait. Et pour que cela n'arrivât pas, il avait proposé à Lady Cappadoce de le remplacer par un de ses anciens élèves, celui qu'il avait formé avec le plus d'amour, en qui il mettait le plus d'espérance, qui le continuerait peut-être un jour. Ni Cétas. Bien que les déceptions que Soupère lui avait causées eussent été cruelles et mortifiantes, Lady Cappadoce avait encore assez confiance en sa probité d'artiste pour le croire en un pareil sujet. D'ailleurs, Nicétas offrait des garanties personnelles. Il était premier prix de violon du conservatoire de Vienne, premier prix également du conservatoire de Paris. Et quand Soupère affirmait que le meilleur accompagnateur que put trouver Mademoiselle de Chambray était ce jeune musicien, il semblait qu'on pouvait se fier à cette parole. Mais Soupère, ne s'en tenant pas à ses titres sérieux qui recommandaient l'artiste, avait ajouté tout bas et confidentiellement des détails particuliers sur l'homme dont Lady Cappadoce s'était émue. « Je dois vous dire que ce qu'est Nicétas, au juste, je n'en sais rien. Mais alors ?»« Évidemment, il flotte dans une atmosphère mystérieuse. Quelle est sa nationalité ? Je n'ai que des probabilités à ce sujet. Comment se nomme-t-il de vrai ? Je l'ignore. Et vous le recommandez ? Qu'il soit russe, français, italien, qu'il s'appelle Alexis, Jacques, Emilio, cela ne lui donne ni ne lui retire du talent. » Et il me semble que c'est le talent seul qui doit vous influencer. En tout cas, c'est lui qui m'a fait m'intéresser à Nicétas. Un jour, il vint me trouver à Palaiseau et me demander mes conseils, sinon mes leçons. Nous étions en été, et la poussière couvrait ses chaussures. La sueur ruisselait sur son visage, comme s'il avait fait la route à pied. Je le questionnai. Il me répondit qu'en effet, il était venu à pied. 8 lieues aller-retour pour me demander un conseil, cela me toucha. Je lui offris de se rafraîchir. Il dévora une miche de pain. Je me mis à sa disposition pour lui donner autant de leçons qu'il voulait en prendre. Ce fut le commencement de nos relations. Elles continuèrent sans que j'apprisse rien ou à peu près rien sur lui, tant il était réservé et discret. Il était remarquablement doué pour la musique. En toute chose, son éducation avait été poussée beaucoup plus avant que ne l'est ordinairement celle des virtuoses. Il parlait plusieurs langues. Voilà tout ce que je savais de lui. Il y avait à peu près 1 an que je le connaissais, lorsque par hasard je lui parlai d'une de mes anciennes élèves que j'aimais beaucoup, qui allait partir pour la Russie et que j'aurais voulu servir dans ce pays. La façon dont je m'exprimais lui montra combien je m'intéressais à elle. « Je puis vous donner des lettres qui lui ouvriront quelques portes, » me dit-il. « Vous avez habité la Russie ?»« Oui. » Il me donna ses lettres. L'une était pour une grande duchesse, les autres pour des personnages de la plus haute noblesse. Vous comprenez ma stupéfaction. Comment avait-il des relations dans ce monde et elle qui pouvait y présenter quelqu'un? Malgré ma curiosité, je ne lui adressai pas de questions. À quelque temps de là, le hasard me fit monter chez lui, car après l'avoir fait engager au concert populaire, je lui avais trouvé aussi quelques leçons, et il avait maintenant un chez lui, sous les toits. C'était la première fois que j'entrais dans sa chambre, sa pauvre chambre. Au mur était accrochée une gravure, un portrait, celui d'un personnage revêtu d'un uniforme étranger, chamarré de décoration. Un nom avait été gravé au-dessous, mais il était effacé. À côté se lisait, de l'écriture de Nicétas, que je connais bien, cette étrange inscription « Haine éternelle ». Voilà qui est bizarre. Ce qu'il est plus encore, c'est qu'entre le personnage qui représente ce portrait et Nicétas, il y a une ressemblance frappante. Son père, alors? Je ne suis pas naturellement bien curieux, mais j'avoue que cette histoire du portrait, s'ajoutant à celle des lettres, m'intéressa. Je voulus en savoir un peu plus long, et sans forcer les confidences de Nicétas par des questions, lever un coin du voile dans lequel il s'enveloppe. « Et vous y êtes arrivé ?»« Non, pas avec certitude, mais au moins avec des probabilités. » Il serait le fils d'un personnage russe qu'il aurait eu d'une jeune fille de Nice, aimée pendant un séjour que ce personnage aurait fait dans le Midi. Obligé de retourner en Russie, ce personnage maria sa maîtresse à un professeur du conservatoire de Marseille, et celui-ci, moyennant le paiement d'une grosse somme, reconnut l'enfant. Pendant 7 ou 8 ans, Nicétas vit auprès du mari de sa mère, mais martyrisé par celui-ci, il écrit à son vrai père qui vient le reprendre, le rachète, l'emmène à Russie et le fait élever dans sa propre famille avec ses autres enfants. Ce serait pendant ce temps qu'il aurait été le camarade de ceux et de celles pour qui il m'a donné des lettres de recommandation. Un jour, son père meurt et l'enfant naturel est chassé de la maison paternelle. Jeté sur le pavé, il vient je ne sais comment à Vienne, entre au conservatoire où il obtient un premier prix et arrive enfin à Paris où il en obtient un autre. Il n'en fallait pas tant pour que l'esprit romanesque de Lady Cappadoce s'enflammât. Mais c'était presque un personnage de roman, ce jeune musicien. De plus, il avait de la naissance, une naissance illustre à coup sûr, car sur ce point, sa certitude d'anglaise affolée de supériorité aristocratique allait plus vite et plus loin que les probabilités de Soupert. « Amenez-le, cher monsieur Soupert. » Quand elle l'avait vu arriver au château, amené par Soupert, elle n'avait plus douté de cette naissance illustre. Évidemment, ce jeune homme de 23 ans, de grande taille, large d'épaules, à la tête énergique et bizarre, aux longs cheveux noirs qui lui retombaient sur le cou et sur le front en boucles frisées, était quelqu'un. Peut-être y avait-il de l'affectation dans le désordre voulu de cette chevelure tortillée en serpent. Peut-être les yeux ardents qui brillaient à travers ces mèches ramenées en avant au lieu d'être rejetées en arrière, cherchaient-ils à donner à leur regard une expression peu naturelle, toujours en quête d'un effet quelconque? Mais qu'importait? Cela n'empêchait pas qu'il fût étrangement original, comme il convenait à un homme de son sang. Un Romanov, elle était sûre que c'en était un, maître de musique de la princesse de Chambray, au-dessus de lui une Cappadoce, c'était bien.